إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans la lecture du sharh de Kashf al-Shubuhat du Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et aujourd'hui c'est le cours numéro 11. Donc on commence maintenant à partir du texte directement du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab avec la lecture de la 9e Shubha, la Shubha al-Tasi'ah. Le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على من ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأسغي سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. Donc, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il explique la 9e Shubha. Et la 9e Shubha, ça tourne autour du sujet qu'ils accusent les gens qui sont sur le Tawhid et qui appliquent le Tawhid et qui suivent la da'wa des prophètes, la da'wa des ulama, d'Ahl al-Sunnah, la da'wa du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Ils les accusent de faire le takfir des musulmans. Ils disent, vous faites le takfir des musulmans. Et la façon dont il l'explique, comme le cheikh il le mentionne, donc il clarifie maintenant certains points qui ont rapport avec cette shubha. Et la raison pourquoi ils accusent les gens qui adorent les tombeaux aujourd'hui, qui adorent les morts, ils accusent les gens d'Ahl Sunnah de faire le takfir des musulmans, c'est parce que pour eux l'islam c'est le shirk. Donc, yani, si quelqu'un fait du shirk, eh bien, pour eux, il n'est pas mushrik. Hein? Pour eux, c'est un muslim. Donc, si quelqu'un le déclare mushrik, alors ils disent, tu as fait le takfir du musulman. Alors qu'en réalité, on ne fait pas le takfir d'un musulman, on fait le takfir d'un mushrik. Et il y a une différence, donc, entre les deux. Mais eux, étant donné qu'ils ne savent pas la réalité du tawhid, qu'ils ne savent pas non plus la réalité du shirk, quand on leur explique la réalité de ces choses-là, ils disent, vous faites le takfir des musulmans. Donc ils ont renversé la réalité de la religion. Donc le cheikh, il explique, il dit, si tu as réalisé que ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait une raison plus correcte, plus propre que la plupart des gens aujourd'hui qui font le shirk en adorant les morts et les tombes, et que leur shirk était moindre comparé à ceux-là, alors sache que ces gens-là ont des shubhas qu'ils jettent sur les gens, qu'ils propagent parmi les gens, et on en a mentionné, et ça, celles qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant, ce sont parmi les plus grandes de leurs shubuhat, celles qu'ils utilisent le plus souvent. Maintenant, écoute bien la réponse à certaines de ces shubuhat-là encore, et en particulier par rapport au fait qu'ils prétendent qu'on fait le takfir des musulmans. Donc ils disent ceux sur qui le Coran a été révélé, c'est-à-dire les mouchrikoun de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils ne témoignaient pas de la ilaha illallah, c'est-à-dire ils déclaraient pas le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et en plus de ça, il démentait ou il reniait le messager. Ils ne croyaient pas au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi également, ils reniaient la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Et également, ils reniaient le Coran. Et ils considéraient le Coran comme de la magie. Comme Allah il le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, que quand ils entendaient le Coran, ils disaient que c'était de la magie. Également, ils disent, tandis que nous, on témoigne de la ilaha illallah. C'est-à-dire, nous, on n'est pas comme ces mouchriquins-là, on témoigne de la ilaha illallah. Et on dit que Muhammad est le messager d'Allah. Et on croit au Coran, et on croit en la résurrection. Et on fait la salat et on fait le jeûne. Alors comment pouvez-vous nous mettre au même niveau ou au même degré que ces mouchriquins, puisque nous on n'est pas pareil, on a ces distinctions là. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a répondu à cette shubha en 9 points qu'il a mentionné. Donc il a mentionné les réponses à cette shubha avec 9 points qu'il a clarifié et expliqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le cheikh Ibn Baz, il les a mentionnés, il a mentionné les trois premières réponses. Donc et puis les autres réponses, il les a divisées ou laissées pour d'autres cours par la suite. Donc il a fait les trois premières maintenant, la quatrième il a fait un autre cours avec, et la réponse 5, 6, il a fait un autre cours avec, et ensuite il a fait un autre cours plus tard, après c'est 7, 8, 9. Donc il a divisé les réponses à cette shubha. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme je disais, il a séparé la réponse de cette shubha en neuf réponses. Et on va suivre l'explication du cheikh Ibn Baz sur ces réponses-là. Et on va aller avec les réponses telles qu'elles sont mentionnées par le cheikh et expliquées par le cheikh dans le livre. Donc on va pas les lire d'un seul coup, les neuf, mais on va quand même lire les trois premières, puis on va lire l'explication pour aujourd'hui, inshallah. Donc La première réponse, le cheikh il dit, Fal jawab, la réponse à cette shubha, ça c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit, أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. Donc le cheikh il commence sa réponse en disant que il n'y a pas de divergence entre les ulama, entre tous les ulama sont tous d'accord que si quelqu'un croit en le messager dans certaines choses puis qu'il le renie dans d'autres, qu'il est kafir et qu'il n'est pas rentré dans l'islam. C'est-à-dire que c'est pas suffisant que quelqu'un dise je crois en le messager, puis il croit seulement en certaines choses, tandis qu'il renie d'autres. il faut qu'il croit en tout, sinon il n'est pas rentré dans l'islam. Et à ce sujet-là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Hein? Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, le cheikh il dit: كذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بذلك كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Donc le cheikh explique, il dit, de même que si quelqu'un croit en une partie du Coran et qu'il renie l'autre partie, hein, il est kafir. De même que celui qui accepte le tawhid et qui renie l'obligation de la salat, il est kafir. Ou bien qu'il est d'accord avec le tawhid et la salat, mais qu'il renie l'obligation de la zakat, il est kafir. Ou bien, s'il accepte tout ce qui est mentionné, tout ce qu'on a mentionné, il est d'accord avec, mais il renie l'obligation du jeûne, il est kafir. Ou bien qu'il accepte tout ce qu'on a mentionné, mais il renie l'obligation du hajj, il est kafir. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu des gens qui ont renié l'obligation du hajj, ou qui ont refusé d'accepter la législation du hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset à leur sujet, qui est le verset 97 dans Surat Al-Imran, dans lequel il dit que le hajj est une obligation. Walillahi ala nasi hajjul bayt. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme obligation pour les gens de faire le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, pour celui qui a la capacité et le moyen de le faire. Et celui qui rejette, qui renie, alors Allah est certes celui qui n'a aucun besoin de l'univers, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de rien, qui est al-ghani, qui est riche, qui n'a besoin de rien parmi les choses de l'univers. C'est-à-dire qu'il se passe, bien de quoi que ce soit, il n'a aucun besoin de ses créatures. Il se suffit à lui-même. Donc ensuite le cheikh il dit: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث وكفر بالإجماع وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc le cheikh il dit la même chose pour celui qui il accepte tout ce qu'on a mentionné. Il accepte le tawhid, la salat, la zakat, le hajj, le jeûne, il accepte tout ce qu'on a mentionné, sauf que il renie et il refuse de croire en la résurrection. Le cheikh dit qu'il est kafir selon le consensus. Il est kafir selon le consensus, et son sang et ses biens sont halal. Son sang et ses biens deviennent licites. De la même manière que, et la preuve de ça, il mentionne un exemple dans le verset 150 et 151 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, qui ont refusé de croire en Allah et à son messager, et qui veulent faire une distinction entre Allah et son messager en disant nous croyons en certains d'entre eux, ils veulent faire une distinction entre la foi en Allah et en ses messagers, et ils disent nous croyons en certains d'entre eux et nous renions certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie intermédiaire entre ces voies-là, ceux-là sont les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. et avilissant. Donc ça, c'est pour dire que la personne qui croit en certains messagers et qui renie d'autres, c'est comme s'il a, il avait renié tous les messagers, sans exception. Hein? Ensuite, le cheikh il dit, فَإِذَا كَانَ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَحْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا. Le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc si Allah subhanahu wa ta'ala a dit clairement et a mentionné clairement dans son livre que celui qui croit en une partie de ce qui a été des messagers ou une partie de la religion et il renie l'autre partie, alors il est le vrai, c'est lui qui est le vrai mécréant. Donc on a compris que cette shubha elle a été détruite maintenant. Il n'y en a plus, cette shubha ne peut plus tenir. Et cette shubha elle avait été mentionnée par une certaine personne qui venait de la région de Al-Ahsa dans un livre qu'il avait écrit puis qu'il avait envoyé au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le cheikh il a réfuté cette shubha en clarifiant ces points là c'est-à-dire que comme on a lu au début, la shubha, comment il le dit, c'est que nous on a cru, ils disent, nous on a dit la ilaha illallah, on a dit Muhammad Rasulullah, on a cru au Coran, on a cru à la résurrection, on a fait la salat, on a fait le jeûne. Donc comment tu peux nous comparer aux mushrikines? Donc le cheikh il leur explique et il leur dit, c'est pas une question de croire en ces points-là seulement, puis en même temps tu fais quelque chose qui vient en contradiction avec les fondements de l'islam. Hein? Comme par exemple tu dis je fais la salat, ou je dis la ilaha illallah, ou je fais le jeûne, ou je crois au messager, puis après tu vas adorer une idole, ou bien tu vas te prosterner devant une tombe. Eh bien, ce que tu dis, tu le détruis en faisant qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est contraire avec ces fondements-là. Donc, c'est pas juste de croire en une partie de la religion et renier le reste. Hein? Donc, si tu comprends cette réponse-là, bien ça y est, cette shubha, elle est détruite déjà, elle est clarifiée. Après, le cheikh, il dit... ويقال ايضا donc ça c'est la deuxième, ça c'est la première réponse à cette question. La deuxième réponse, ويقال ايضا, c'est ويقال ايضا اذا كنت تقر ان من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاه انه كافر حلال الدم والمال بالاجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه قد لا تختلف المذاهب فيه قد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Donc, le cheikh, il répond, et sa deuxième réponse, on voit, son argumentation est très solide, très forte. Il dit qu'on répond également que si tu as cru, si tu as déclaré, que tu as accepté la foi en le messager, tu as cru en lui dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il a demandé, dans tout ce qu'il a dit. Et que tu as renié l'obligation de la salat. Hein? Et tu es d'accord que celui qui a cru en tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qui a nié la salat, tu es d'accord qu'il est kafir. Et que son sang est halal, que ses biens sont halal, selon le consensus des musulmans. De même que s'il a accepté toute chose, excepté la foi en la résurrection. Hein? De même que si il renie, par exemple, l'obligation du jeûne du Ramadan, et qu'il croit en tout le reste, tous les mazhabs de l'islam sont d'accord pour dire que cette personne-là, hein, elle est kafir, elle n'est pas musulmane, comme on l'a mentionné, et comme le Coran l'a mentionné également. Donc, on sait que le tawhid, c'est la plus grande de toutes les obligations de la religion. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a ramené ce principe du tawhid, qui est la plus grande obligation que l'islam nous ordonne d'appliquer et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc, on sait que le tawhid, c'est plus grand que la salat, c'est plus grand que la zakat, c'est plus grand que le jeûne, c'est plus grand que le hajj. Hein? Donc, si quelqu'un dans l'islam, n'importe qui, hein, nie quelque chose parmi les exemples de ce qu'on a mentionné, comme la salat, le jeûne, la salat, la zakat, le hajj, si quelqu'un nie ces choses-là, il devient kafir. Même si il applique tout le reste de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc, s'il nie le tawhid, qui est la base de la religion, il ne devient pas kafir. Donc, ça veut dire, le chef est en train d'expliquer, il est en train de dire, en fait, que comment ça se fait que vous êtes d'accord que celui qui abandonne la salat, la zakat, le jeûne, et qui renie ça, qu'il est kafir. Mais quand il renie le tawhid et qu'il oppose le tawhid, vous dites, non, il ne devient pas kafir. Hein? Ça, c'est de l'ignorance. Qui dit, subhanallah, ma hadha al-jahl, ma ajaba hadha al-jahl. Hein? Donc ça, c'est incroyable. Et après, il donne une autre réponse encore, qui est la troisième réponse. Il dit, wa yuqalu aydan, haula ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qatalu bani hanifa. وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Donc le cheikh il ramène encore un autre argument, hein? C'est une massue sur leur tête, hein, la tête des gens du shirk. Allah musta'an, il les a vraiment bien clarifié les choses, il leur a vraiment bien clarifié, il les a bien réfutés. Il dit que par exemple, regardez les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu Bani Hanifa, une tribu qui s'appelait Bani Hanifa, qui avait accepté l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui témoignait, qui disait la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui faisait l'adhan, qui faisait la salat. Hein? Il les a combattus. Et la raison pour laquelle les sahaba les ont combattus, c'est parce qu'ils croyaient en Musaylama, al-Kadhab, le menteur, le faux prophète, Musaylama. Donc, s'ils répondent en disant, oui, mais eux, ils faisaient tout ça, ce que tu mentionnes, c'est-à-dire, ils disaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils faisaient la salat, ils faisaient l'adhan, ils faisaient, hein. Sauf que, ils croyaient en Musaylama, ou bien ils disaient que Musaylama est un prophète. Donc, s'ils te disent ça, nous, on répond, on dit, voilà l'argument qu'on vous donne, et voilà la réponse qu'on recherchait. Si celui qui élève un homme au niveau d'un prophète, il devient mécréant, et que son sang et ses biens deviennent halal à cause de ça, et que son témoignage en la ilaha illallah et sa salat ne lui servent plus à rien, alors que dire de celui qui élève un homme au niveau de Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui élève un être humain comme Shamsan ou Yusuf ou un Sahabi ou un prophète quelconque, il l'élève au niveau du Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Alors, bien celui-là, il est encore plus mécréant, encore plus kafir que celui qui élève un homme au niveau de prophète. Et il dit Subhanallah, ma'azama sha'na. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est grand, Subhanallah. Et il mentionne le verset 59 dans Surat Ar-Rum. Il dit, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé les cœurs de ceux qui ne savent pas. Donc ça, c'est les trois premières réponses à la shubha des mushrikin et des ubad al-qubur, des adorateurs des tombeaux, lorsqu'ils disent, vous déclarez les musulmans kuffars. Ils disent, vous déclarez les musulmans kuffars. Ça, c'est pas vrai. On déclare pas les musulmans kuffars, on déclare les kuffars kuffars. Et on déclare qui? Les mushrikins kuffars. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également dans le Coran comme étant des kuffars. Naam. Donc, on va lire maintenant l'explication de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, au sujet de cette shubha. Et de ses réponses. Comment il a clarifié ça? الشيخ الزي الحمد لله وصلى الله وسلم على وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن لهؤلاء المشركين عباد القبور وعباد الأولياء لهم شبهة يريدونها على من كفرهم واستحل دماءهم وأموالهم بعبادتهم غير الله وتوجههم إلى القبور والأولياء ودعائهم إياهم، ويقولون إنكم شبهتمون بكفار قريش وغيرهم واستحللتم دماءنا وأموالنا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصلي ونصوم ونؤمن بالبعث، فكيف أو كيف تجعلون مثل أولئك؟ شبهة تخفى على كثير من الناس. Donc le Cheikh Ibn Baz commence par résumer et clarifier la situation. Il dit louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui ont été guidés sur sa guidance et qui suivent sa guidance. Ensuite, il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne à ces mushrikins, adorateurs de tombes, adorateurs de saints, il mentionne qu'ils ont des shubuhat qu'ils mentionnent et qu'ils propagent parmi les gens et qu'ils jettent, qu'ils mentionnent à ceux qui les déclarent kuffar et qui rendent leur sang et leur bien halal à cause du fait qu'ils ont adoré autre que Allah et à cause du fait qu'ils se sont tournés vers les tombes et vers les saints et qu'ils les ont adorés et invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux ils disent comment pouvez-vous nous faire ressembler aux kuffars de Quraysh et d'autres aux autres kuffars et aux autres mushrikin, et comment pouvez-vous rendre notre sang et nos biens halal alors que nous on dit la ilaha illallah et on témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, et on fait la salat et on fait le jeûne du Ramadan et on croit en la résurrection. Donc comment pouvez-vous nous mettre au même degré, au même niveau que ceux-là? Le Cheikh dit ça, c'est une shubha qui peut échapper à plusieurs personnes. Et il explique ensuite, il dit fayuqal lahum na'am antum kadhalika tashhadun. ولكن قد دل الشرع على أن من جحد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو فعل كل شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان أقر بالتوحيد وجهد وجوب الصلاة ألا يكفر؟ سوف يقولون نعم. وإذا جحد الزكاة أو وجوبها أو جحد صيام رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة أو لم يؤمن بالبعث والنشور يكفر يكفر وإن كان يصلي ويصوم أليس كذلك؟ Donc le cheikh il pose des questions pour voir est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils sont d'accord. فإذا كان هذا أمر معلوم لديكم وأن من ترك هذه الأشياء جاحدا لها كفر فكيف بمن جحد الشهادتين معناهما فكيف بمن جحد الشهادتين معناهما وعبد مع الله غيره وإن كان من جعل مسيلمة نبي وإن كان من جعل مسيلمة نبي كمحمد يكفر عند الجميع وقتلهم الصحابة لذلك فكيف بمن رفع الإنسان في رتبة الرب عز وجل إذا كان جعله في رتبة النبي يكفر لأنه جعل نبيا ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه جعله نبيا ومحمد خاتم النبيين فكيف الذي يرفع الشخص كشمسان ويوسف أو ابن علوان أو غيرهم إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون رتبة الرب جل وعلا ويدعوه ويستغيث به وينظر له ويذبح له ألا يكون أولى بالكفر ممن رفع مسيلمة إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من عبد الملائكة أو الجن أو استغاث بهم فقد جعلهم في منزلة الله وعبدهم مع الله يكون كافرا وإن صلى وصام وحج وإن أتى بكل الشرائع. Donc le Cheikh Ibn Baz il explique, il dit celui qui yani, celui, donc on leur dit à ces gens là oui c'est vrai que vous avez témoigné de ces choses là c'est à dire eux ils disent comment vous pouvez nous faire égal à ces gens là parmi les kuffars de Quraysh alors que nous on témoigne de la ilaha illallah et on fait la salat et ainsi de suite. Alors le Cheikh dit oui, on leur dit dans ce cas là oui, c'est vrai, vous témoignez de ces choses-là et vous faites ces choses-là. Mais la charia nous a indiqué que si une personne renie quoi que ce soit de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené, il devient mécréant, même s'il fait toutes les choses qui ont été ramenées par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un accepte le tawhid et qu'il rejette la salat, il devient mécréant, n'est-ce pas? Et ils vont dire oui. Si quelqu'un accepte le tawhid, mais il renie l'obligation de la salat, ou l'obligation de la zakat, ou l'obligation du jeûne, du ramadan, ou du hajj, avec la capacité de le faire, hein, ou il ne croit pas en la résurrection, et yani, en le rassemblement au jour de la résurrection, et que donc celui qui renie ces choses-là, malgré qu'il accepte le tawhid, hein, il devient kafir. Et s'il accepte par exemple le tawhid et la salat et la zakat et le jeûne et le hajj, mais qu'il rejette la foi en la résurrection, il devient kafir, même s'il fait la salat, même s'il jeûne, hein. Si quelqu'un il prie tous les jours 5 fois par jour et qu'il fait le jeûne du ramadan, mais qu'il dit moi je ne crois pas qu'il y a un paradis ou un enfer ou une résurrection, il devient kafir, hein. Donc dans ce cas-là, si vous avez accepté ça et si vous comprenez ce point-là, que celui qui a abandonné ces choses-là et qui les renie yani, alors il devient kafir, alors comment pouvez-vous dire dans ce cas-là yani, que celui qui renie le shahadatain ou leur signification en adorant d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'autres avec Allah, qu'il ne devient pas kafir, hein? Comme celui qui adore les tombes et les morts, en faisant ça, il a nié le témoignage de la ilaha illallah et il a nié, hein, le tawhid, parce qu'il adore d'autres que Allah et d'autres avec Allah. Et le cheikh il dit wa in kana man ja'ala musaylamatan, si on dit de celui qui a fait de Musaylama un prophète, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a mis Musaylama à égalité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient kafir. Selon, yani, tous les musulmans sont d'accord là-dessus. Et même les sahaba ont combattu ces gens-là qui ont cru en Musaylama. Donc, que dire de celui qui a élevé un homme au niveau du Seigneur des cieux et de la terre, hein, au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, donc s'il l'avait élevé au niveau d'un prophète, il devient mécréant. Hein? S'il prend un homme et il l'élève au niveau d'un prophète ou au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient kafir, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Il n'y en a plus d'autres après lui. Donc si quelqu'un dit d'une autre personne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui c'est un prophète, eh bien il devient kafir. Alors que dire de celui qui élève une personne comme Shamsan, ça c'est des noms de personnes qui existaient probablement à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, des gens qui étaient adorés par les gens qui vivaient à cette époque-là, qui étaient pris comme des awliya ou des gens qu'ils considéraient comme étant des saints, hein, et ils les adoraient en dehors d'Allah. Donc le Cheikh il leur dit, alors que dire de quelqu'un qui élève une personne comme Shamsan, Yusuf ou Ibn Alwan, ou bien d'autres également, au niveau d'un prophète, hein? Et on sait que le prophète, d'élever quelqu'un au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est moins que d'élever au niveau de Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc si il invoque ces gens-là en dehors d'Allah et qu'il égorge des animaux en sacrifice pour ces gens-là en dehors d'Allah, ou qu'il fait des vœux pieux pour eux en dehors d'Allah, tout ça c'est des exemples de shirk. Donc s'il fait ça, si quelqu'un fait ça, il a élevé la personne à qui il a offert ses actes d'adoration là, il l'élève au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Il fait de lui une divinité, hein? Et donc ça c'est encore, cette personne là mérite encore plus d'être déclarée mécréante que celui qui élève Musaylama au niveau d'un prophète. De même que celui qui adore les anges, ou qui adore les djinns, et qui les appelle au secours dans les moments de détresse, et qui leur demande ce qu'ils ont besoin, il leur demande de les aider, ou qui appelle n'importe quelle autre créature en dehors d'Allah, il l'a élevé au niveau d'Allah, au niveau du maître des mondes, du Seigneur des mondes. Naam. فقد جعلهم في منزلة الله وعبدهم مع الله. Donc celui-là, celui qui fait ça, qui adore les anges, les djinns, hein, en dehors d'Allah, et qui les appelle au secours dans les moments de détresse, hein, eh bien, il les a adorés avec Allah, et il est mécréant, il est kafir en faisant ça. Même s'il jeûne, même s'il fait la salat, même s'il fait le hajj, même s'il ramène toutes les obligations de la religion, puis que par la suite il invoque des anges des djinns, devient kafir ou mushrik. Kama annahu law salla wa sam wa fa'ala kulla shay'in lakin ankara nubuwwata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aw ankara annahu khatam an-nabiyyin kafara wa lam tanfa'ahu hadhihi al-ibadat allati aqarra biha. Le Cheikh il dit la même chose que si quelqu'un par exemple fait la salat, il fait le jeûne, il fait tous les actes d'adoration, mais il renie la prophétie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Hein? Il nie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et que c'est lui le dernier qui a été envoyé à l'humanité, qu'il n'y en a pas d'autre après lui. Donc celui qui nie ça, il est kafir. Et tous les actes d'adoration qu'il peut faire ne lui seront d'aucune utilité. Même s'il croit que c'est des choses obligatoires. Parce qu'il a fait quelque chose qui vient annuler les fondements de sa foi. وبهذا يتبين بأن من أتى بالأمور المشروعة وأقر بها ولكن أتى بناقض بطلت تلك الأمور كلها إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. ومن جحد وجوب الصلاة ووجوب رمضان وجحد الحج جحد البعث والنشور جحد كل جحد كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يكفر عند الجميع. Donc le cheikh il dit de même que donc on peut comprendre par rapport à ce qu'on vient d'expliquer que si quelqu'un ramène tous les actes qui ont été légiférés par Allah et il croit en il est d'accord avec l'obligation de ces choses-là, il reconnaît leur obligation, mais qu'il fait quelque chose qui vient annuler les fondements de sa foi, eh bien dans ce cas-là toutes les choses qu'il a faites, qu'il a acceptées et qu'il a cru, en lesquelles il a cru, sont annulées à cause de ça. Hein? Lorsqu'il fait une chose qui vient annuler la validité de son islam, qu'est-ce qu'on appelle les nawaqid, nawaqid de l'islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam. Donc celui qui, par exemple, renie l'obligation de la salat ou l'obligation du jeûne du ramadan, ou qui renie le hajj, qui renie la résurrection, ou qui renie le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le dernier des prophètes, selon tous les savants de l'islam, tous les musulmans de la Ummah, cette personne-là est considérée comme étant un mécréant. فإذا جحد التوحيد ولم يقر به وأشرك مع الله في العبادة غيره فأولى وأولى أن يكون كافرا ولا تنفعه تلك العبادات التي أقر بها وفعلها كما أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنهم صدقوا مسيلمة أنه نبي فعند هذا كفروا. Donc le cheikh il dit que si ils acceptent, il dit que si quelqu'un renie le tawhid, si quelqu'un renie le tawhid et qu'il n'accepte pas le tawhid et qu'il fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qu'il adore autre que Allah, alors dans ce cas-là, il mérite encore plus d'être mécréant. Hein? Et tous ces actes d'adoration qu'il fait, eh bien, même s'il accepte l'obligation de ces adorations-là, ou même s'il les fait, eh bien, ça ne sera d'aucune utilité pour lui. Hein? Puisqu'il a détruit le fondement et la base principale de son islam. De même que les sahaba, ils ont combattu la tribu de Bani Hanifa, malgré que c'était des gens qui faisaient la salat, qui faisaient le jeûne, qui disaient la ilaha illallah, qui disaient Muhammad Rasulullah, mais ils ont cru en Musaylama, ils ont cru que Musaylama était prophète. Alors à partir de ce moment-là, ils sont devenus mécréants, même s'ils faisaient la prière, même s'ils faisaient le jeûne. Hein? C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui les Ahmadiyya. Hein, la secte des Ahmadiyya. Ils disent que Ghulam Ahmad est un prophète qui était né en Inde vers le 15e ou 16e siècle du calendrier chrétien. Donc ces gens-là sont considérés kuffar parce qu'ils croient qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose avec n'importe quel autre groupe ou personne qui affirme qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont considérés comme des kuffars. La même chose pour ceux qu'on appelle les black muslims, la nation de l'islam, les gens qui suivent Louis Farrakhan aux États-Unis ou ailleurs, et bien ces gens-là aussi sont des kuffars parce qu'ils disent qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils appellent Elijah Muhammad. Hein? Ils disent que c'était leur prophète, que c'était un prophète pour les noirs, et ça c'est un mensonge parce que le prophète qui est venu pour les noirs, pour les blancs, pour les jaunes, pour les rouges, pour toutes les nations, pour toutes les couleurs, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdullah, celui qui est venu il y a plus de 1400 ans. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un prophète spécial pour un peuple en particulier ou une couleur en particulier de, hein, aujourd'hui, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toutes les catégories de personnes déjà. Donc celui qui croit qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, peu importe qu'est-ce qu'il prétend ou qu'est-ce qu'il dit. Et peu importe qu'est-ce qu'il fait, même s'il fait la salat, même s'il fait le jeûne, hein, ou même si il porte la barbe, il met un qamis, même si la femme elle porte le voile avec le niqab et qu'elle fait la salat et tout, si elle dit qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. Et donc celui qui fait toutes ces choses-là, mais qui en plus adore autre que Allah, mais il est encore plus kafir, hein? Il mérite encore plus d'être kafir. Comme les gens qui adorent les morts et les tombes, parmi les rafida, parmi les soufis, il y a ceux qui adorent les saints, et qui adorent les tombes, et qui adorent les arbres, et qui adorent les pierres et les roches et les tombeaux. Hein? Tous ces gens-là, c'est la même chose. Naam. Et donc ça c'est des explications claires de la part du cheikh qui nous montrent et qui nous font comprendre ces principes là. Après le cheikh il dit donc wa hakadha man saddaqa Tulayha al-Asadi. Tulayha al-Asadi. Naam, bi annahu nabi. أو الأسود العنسي في اليمن أو المختار ابن أبي عبد ابن أبي عبيد الثقفي ممن ادعى النبوة وما أشبهه كفروا وقتلهم المسلمون. Le cheikh dit de même que ceux qui ont cru à Tulayha al-Asadi, que c'était ceux qui ont cru qu'il était prophète, ce qui s'est déclaré prophète, ou bien il y en a qui ont cru que c'était un prophète. De même que Al-Aswad Al-Anasi au Yémen, ou bien un autre qui s'appelait Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Donc c'est tous ceux-là que déjà qui ont prétendu être un prophète, yani, tous ces gens-là sont des kuffars, et ceux qui croient en eux sont aussi des kuffars. Et les musulmans les ont combattus, ces gens-là. Wa bihaza يعلم أن من أتى بناقد من نواقد الإسلام بطلت أعماله كلها كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك قال الله أولئك هم الكافرون حقا. Donc, le cheikh, il explique qu'on sait donc maintenant que quiconque ramène une chose qui vient annuler l'islam, parmi les choses qui annulent l'islam de quelqu'un, ses œuvres, toutes ses œuvres, toutes les choses qu'il fait comme bonne action, sont annulées. Elles deviennent vaines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans plusieurs versets, et il le dit également dans le verset 150-151, dans Sourate An-Nisa, comme on l'a lu tout à l'heure, ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en son messager et qui veulent séparer entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous renions certains et ils veulent prendre une voie entre ces voies, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là sont les vrais mécréants. Ceux-là sont réellement les mécréants. الشيخ يقول ولما فرقوا أخبر أنهم هم الكافرون حقا لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. Donc lorsqu'ils ont fait une séparation dans la religion, eh bien Allah a dit à leur sujet que ce sont les vrais mécréants. Ils ont cru en une partie et ils ont rejeté l'autre partie. فإن قالوا نؤمن مثلا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا نؤمن بالبعث والنشور أو لا نؤمن بالجنة أو يقول ليس هناك نار أو لا نؤمن بوجوب الصلاة أو لا نؤمن بوجوب الزكاة أو بوجوب رمضان كل هذا ردة عن الإسلام وكفر ولو فعلوا ما سوى ذلك من أمور الإسلام. الناقد الواحد يكفي ببطلان ما هم عليه. Donc le cheikh il dit que si quelqu'un, s'ils disent par exemple, si ces gens-là disent, on croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne croit pas en la résurrection, on ne croit pas qu'on va tous être rassemblés et réunis au jour de la résurrection. Ou bien qu'il dit par exemple, je ne crois pas en le paradis, ou qu'il dit, je ne crois pas qu'il y a un enfer, ou bien on ne croit pas en l'obligation de la salat, ou on ne croit pas en l'obligation de la zakat, ou on ne croit pas en l'obligation du ramadan. Tout, le cheikh dit, tout ça sont des formes d'apostasie de l'islam. Toutes ces choses-là sont considérées comme des formes d'apostasie de l'islam. Comme si ces gens-là, en ayant dit ça, ils ont renié, même s'ils font tout le reste de ce qui est ordonné par l'islam. Le cheikh il dit qu'un seul des annulatifs de l'islam suffit pour annuler tout ce qu'ils ont fait. وهكذا لو أقروا بكل شيء ولكن سبوا الله أو سبوا الرسول أو طعنوا في الدين أو استهزأوا بالدين كفروا ولم تنفعهم تلك العبادات والأعمال التي يقومون بها لما أتوا بالناقد للآية الكريمة ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فهذا الذي حصل من الإيمان ببعض والكفر ببعض هو الذي كفرهم وعطل أعمالهم ومن هذا قوله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفرهم بسبب استهزائهم وإن كانوا يصلون ويصومون وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه تبديل الدين بالإتيان بناقد من نواقض الإسلام هذا تبديل الدين ولهذا عقد العلماء في جميع المذاهب باب حكم المرتد قالوا وهو المسلم يكفر بعد إسلامه يعني بناقد من النواقض وفق الله الجميع. Donc le cheikh il termine cette explication de ces exemples à la réponse des shubuhat des adorateurs des tombeaux, des adorateurs des morts. Donc il termine cette explication là de la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en disant donc en clarifiant ces principes là. Donc il dit que de même que si quelqu'un accepte tout dans l'islam, mais qu'il insulte Allah, ou qu'il insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il attaque ou qu'il critique la religion, qu'il insulte la religion, ou qu'il se moque de la religion, alors il devient kafir, et tous les actes d'adoration qu'il a pu faire, comme la salat, le jeûne, le hajj, ou les autres choses de la religion, ça n'aura plus aucune importance et ça n'aura plus aucune valeur. Toutes les œuvres qu'ils ont faites de la religion sont annulées parce qu'il a fait quelque chose qui vient détruire sa foi et détruire ses fondements dans la religion. Et la preuve de ça, c'est comme on a dit tout à l'heure le verset 150-151 dans sourate An-Nisa, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Donc c'est déjà, ils veulent croire en une partie de la religion puis renier l'autre partie. Donc ensuite le cheikh il dit donc que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a clarifié que si quelqu'un rejette une partie de la religion, eh bien c'est comme s'il reniait le tout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite, « Oulaika hum al-kafiruna haqqa » Ceux-là sont les vrais mécréants. Et donc, ça c'est la personne qui a cru en une partie, puis qui a renié l'autre partie. Donc, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déclaré mécréant, et il a annulé la valeur de toutes ses œuvres. comme dans le verset 65-66 dans surat At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Dit, ne vous excusez pas. Hein? Non, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés mécréants. Allah les a déclarés mécréants pour s'être moqués de la religion. Même s'ils faisaient la salat, même s'ils faisaient le jeûne, même s'ils appliquaient la religion, ils sont devenus mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de la religion. Hein, même s'ils n'avaient pas l'intention, même s'ils n'étaient pas sérieux, ils disaient ça juste pour rire, et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés coupables. Hein, donc, c'est ainsi que quelqu'un peut accepter des principes de la religion, mais qu'il peut devenir mécréant d'une autre façon. Comme par exemple, comme on a dit, se moquer de l'islam, insulter Allah, ou des choses de ce genre. Ou bien quelqu'un qui, comme on a donné des exemples depuis le début, plusieurs exemples de ça, qui accepte certains principes et qui renie d'autres. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man baddala dinahu faqtuluhu. Ça, c'est un hadith sahih rapporté dans Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui a changé sa religion, alors tuez-le. Et donc, ça, c'est le fait de changer la religion en amenant quelque chose qui vient l'annuler, qui vient détruire ses fondements. Parmi les annulatifs de l'islam, ça, c'est considéré comme un changement de religion. Et c'est pour ça que les savants de l'islam, dans tous les madhahib, que ce soit le madhhab Hanafi, ou Maliki, ou Shafi'i, ou Hanbali, ils ont tous des livres de fiqh dans lesquels il y a un chapitre qui s'intitule le verdict de l'apostat. Le verdict de l'apostat. Et ils ont donné comme définition à ce terme-là, au murtad, que c'est le musulman qui renie l'islam après avoir eu la foi ou après avoir cru en l'islam. Il rejette l'islam. C'est-à-dire celui qui a ramené une chose qui vient annuler son islam. Donc le cheikh il termine en disant Waffaq Allahu al-Jami'. Donc ça c'est ce qui vient conclure l'explication de ce point-là. Et ça c'est très important hein, par rapport à ce qu'on a clarifié. Ensuite, on va lire quelques questions et réponses du cheikh Ben Baz au sujet de ce chapitre qui sont des questions très très importantes et très très bénéfiques. La première question, يذكر العلماء في أهل البادية أن الأعرابي قد يعذر في فما هي المسائل التي قد يعذر فيها صاحب البادية وهل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الإسلام. Donc la question c'est, certains ulama ont mentionné au sujet des gens qui habitent dans les déserts, dans des endroits isolés ou éloignés, à propos du bédouin par exemple, qu'il peut être excusé pour certaines questions. Donc il peut être excusé. Quelles sont les questions dans lesquelles il peut être excusé, le bédouin? Et est-ce que ça c'est spécifique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam? Le cheikh il répond. الجواب يعذر الأعرابي وغير الأعرابي بالشيء الذي يمكن جهله مثل بعض أركان الصلاة وبعض أركان الزكاة وبعض المفطرات أما إذا جحد الصلاة رأسا وقال لا أصلي أو جحد الصيام رأسا وقال لا أصوم رمضان ما يعذر لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة وكل مسلم يعرف هذا أو جحد شروط الصلاة أو أن عرفة من واجبات الحج ومن أعمال الحج لأنه قد يخفى عليه ولكن يقر بالحج وأنه فرض لأن مثل هذه قد تخفى على العام. Donc le cheikh il répond, il dit que C'est le bédouin peut être excusé, et autre que le bédouin, c'est-à-dire c'est pas seulement le bédouin, il se peut qu'il soit excusé pour quelque chose, pour la chose qui n'est pas, pour la chose qu'il est possible pour lui d'ignorer, comme par exemple certains piliers de la salat, ou certains piliers de la zakat, ou certaines choses qui annulent le jeûne. En ce qui concerne la négation de la salat, il y a quelqu'un qui nie directement l'obligation de la salat, qui dit je prie pas, ou qui nie le jeûne, directement, il dit je jeûne pas le ramadan, il n'est pas excusé. Parce que ça, c'est une chose qui est connue par nécessité de la religion. Et tout musulman sait que ces choses-là, c'est obligatoire. Ou bien quelqu'un qui nie, par exemple, qui renie les conditions du hajj, ou que Arafat fait partie des obligations du hajj, parmi les actes qu'on doit faire dans le hajj. Il dit que c'est quelque chose, par contre, qui peut être, qui peut échapper à quelqu'un. Mais il reconnaît le hajj en soi, et que le hajj est une obligation, parce que le hajj c'est quelque chose qui est connu. Tandis que certains éléments peut-être du hajj, ça se peut que ces choses-là lui échappent. Donc c'est ça l'exemple. En fait, la personne peut être excusée si elle ignore des choses qu'elle peut ignorer par rapport au fait que ce sont des choses qui sont plus subtiles ou moins connues de la part de certaines personnes ou de certaines catégories. Et en particulier lorsque ce sont des gens qui viennent dans des endroits qui sont plus éloignés ou plus isolés et qui n'ont pas accès à la science ou à la connaissance. Le cheikh il dit « Wa yuzkar ya cheikh, ahsan allahu ilaykum » عن بعضهم أنه ما يعرف الجنابة وأنه ما يغتسل منها الجواب يعلم العامي قد لا يفهم وخصوصا بعض النساء يعلم ولا يكفر ولا يكفر الشيخ يلزي on mentionne à propos de certains d'entre eux qu'ils ne connaissent pas par exemple Al-Janaba, c'est-à-dire l'état d'impureté après avoir eu des rapports sexuels. Certaines personnes, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Al-Janaba, ou bien ils ne savent pas comment se purifier de la Janaba, ils ne savent pas faire le ghusl. Donc, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, on doit lui apprendre. Et la personne, le commun d'entre les musulmans, c'est possible qu'il ignore ces choses-là, ou il ne comprenne pas ces règles-là, en particulier certaines femmes. Donc, on doit lui apprendre, et il n'est pas kafir pour ça. Le cheikh il dit, question, « من وصلته كتب منحرفة وليس فيها عقيدة ولا توحيد هل يعذر بالجهل؟ » Le cheikh il dit, « إذا كان بين المسلمين ما يعذر بالشرك » أما الذي قد يخفى مثل بعض واجبات الحج أو واجبات العمرة أو واجبات الصيام أو الزكاة وبعض أحكام البيع وبعض أمور الربا قد يعذر وتلتبس عليه الأمور ولكن أصل الدين كونه يقول أن الحج غير مشروع أو أن الصلاة غير واجب أو الزكاة غير واجبة أو الصلاة غير واجبة هذا لا يخفى على المسلمين وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة donc le cheikh il dit qu'il y a des personnes qui ont reçu des livres ou on leur a donné des livres qui ne sont pas corrects, il y a des livres qui ont des déviations dedans et dans ces livres-là il n'y a pas d'explication de la croyance ni du tawhid. Est-ce que ces personnes-là sont excusées d'ignorer ces choses-là? Le cheikh, il répond, il dit, s'ils sont parmi les musulmans, dans ce cas-là, ils ne sont pas excusés de faire le shirk. Mais il dit, mais qu'est-ce qui peut échapper à certaines personnes de ces choses-là? C'est comme par exemple certaines obligations du Hajj, ou certaines obligations de la Umrah, ou certaines obligations du jeûne, de la zakat, ou de certaines règles du commerce, ou de certaines questions qui sont reliées au riba. Une personne peut être excusée dans ces choses-là parce qu'elle est confuse ou mélangée dans certaines choses qui sont reliées à ça. Par contre, les fondements de la religion, le fait que quelqu'un dise par exemple que le hajj c'est pas obligatoire, ou que le jeûne c'est pas obligatoire, ou que la zakat c'est pas obligatoire, ou que la salat c'est pas obligatoire, il dit ça, c'est des choses qui ne peuvent pas échapper à un musulman. C'est des choses connues de la religion par nécessité. Hein? Donc, le cheikh, il explique ça, il clarifie. Hein? Il dit, وَلَوْ قَالَ لَا بُدَّ أَن لَوْ قَالَ لَا بُدَّ أَن تَتَوَفَّرْ شُرُوط فِي مَنْ أُرِيدُ تَكْفِيرَهُ بِعَيْنِهِ وَتَنْتَفِي الْمَوَانِعِ. الجواب مثل هذه الأمور الظاهرة ما يحتاج فيها شيء يعني يكفر بمجرد وجوبها أو يكفر بمجرد وجودها لأن وجودها لا يخفى على المسلمين معلوم بالضرورة من الدين بخلاف الذي قد يخفى مثل شرط من شروط الصلاة وبعض الأموال التي تجب فيها الزكاة وتجب أو لا تجب وبعض شؤون الحج وبعض شؤون الصيام وبعض شؤون المعاملات وبعض مسائل الربا. Le cheikh, on lui demande, il dit, si quelqu'un dit par exemple, il faut que il y ait certaines conditions qui soient présentes et c'est-à-dire il faut établir certaines conditions en la personne qu'on déclare mécréante en tant qu'individu et il faut vérifier l'absence de certains empêchements. Le cheikh, il répond, il dit, quand c'est des choses qui sont très apparentes et claires, hein, comme quelqu'un qui dit la prière c'est pas obligatoire ou des choses comme ça, il dit ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas rien d'autre. C'est-à-dire, elles sont... le simple fait qu'on voit que cette personne-là dit ça, c'est suffisant pour savoir que la personne, elle a mécru. Parce que c'est des choses qui n'échappent pas aux musulmans, qui sont connues de la religion par nécessité. Contrairement à des détails qui peuvent échapper à un musulman, comme par exemple certaines, une condition parmi les conditions de la salat, ou certaines différentes catégories de biens qui sont obligatoires dans la zakat, par exemple. Ou bien, quelqu'un ne sait pas si tel bien ou tel bien c'est obligatoire de payer la zakat dedans ou non. Ou certaines questions reliées au hajj, ou certaines questions qui sont reliées au jeûne, ou certaines choses qui sont reliées au commerce et aux interactions, des choses de ce genre, ou des questions qui ont rapport avec le riba. Hein? Donc ça, c'est des choses qui peuvent parfois échapper à des personnes, et dans ce cas-là, les personnes pourront être excusées dans ces choses-là, contrairement à d'autres qui sont établi, connu, clair pour tout le monde. Et comme le cheikh l'a expliqué dans la question précédente, c'est que à un certain niveau, il faut comprendre dans ces questions-là que ces choses-là sont relatives d'une certaine façon parce que ça dépend de l'endroit, ça dépend des personnes, ça dépend des catégories de personnes aussi. Quelque chose peut être connu à un endroit et ignoré ailleurs. C'est pas partout où les gens ont accès à la connaissance et à la compréhension de la religion de façon équivalente. Hein? Des pays comme par exemple, disons comme l'Albanie par exemple, où les gens ont vécu des années dans le communisme et qu'ils n'ont pas eu accès à la connaissance de la religion, où la seule référence qu'ils ont comme connaissance de l'islam, c'est des gens qui ont des croyances soufies ou des égarements, ou toutes sortes de bid'a et de shirk. Donc c'est des gens qui n'ont pas eu accès à la connaissance. Ces gens-là peuvent être excusés, tandis que quelqu'un qui habite à quelques pas de l'Arabie Saoudite, ou bien quelques pas de la Mecque ou de Médine, un pays où il y a des dizaines et des dizaines de ulama, où la personne peut facilement aller poser la question à des ulama, connaît la langue arabe et tout, ça c'est pas la même chose, hein. Ou des gens qui habitent dans les montagnes, dans un pays où les gens habitent dans la montagne ou dans la brousse, dans un endroit éloigné, dans un petit village, connaissent pas l'arabe, hein, connaissent pas l'arabe, et la personne qui leur apprend dans le village, c'est un soufi ou un quelqu'un qui a une aqida de bid'a ou de shirk, ou un sorcier, ils connaissent rien. C'est pas la même chose que l'autre personne qui est directement collée à la mosquée dans une grande ville où il y a plein de ulama, plein de shuyur, plein de livres, plein de références. Donc les ulama, ils font les distinctions entre ces catégories-là et ces situations-là. Ensuite, le cheikh il dit: wa ba'd as-suhuf fiha as-suwar wa hadhihi hadhihi alladhina yastahzi'una bil-liha aw taqsir ath-thiyab fiha as-suwar hadhihi alladhina yastahzi'una bil-liha aw taqsir ath-thiyab al-jawab qad yakhfa 'ala ba'd an-nas hukmuhu وقد يخفى عليه وجوب هذا الشيء ويحسب أنه سنة نسأل الله العافية ويحسب أنه سنة نسأل الله العافية ولكن الاستهزاء يعني حتى بالسنة يكفر ولو استهزى بالنوافل كفر ولو استهزى بصيام النوافل أو بحج النافلة كفر. Donc le cheikh il dit, dans certains journaux, il y a ces images où on se moque de la barbe, ou bien on se moque des vêtements courts. Par exemple, quand un homme porte le qamis en haut de la cheville, on fait des blagues avec ça, on fait des caricatures avec ça, des choses comme ça. Le cheikh il dit, c'est possible que pour certaines personnes, le verdict de ces choses-là leur échappe. C'est-à-dire, parfois, peut-être, ils ne savent pas que ça fait partie de la religion. C'est possible que certaines personnes ignorent que ces choses-là fassent partie de la religion, ou ils pensent que c'est une sunna, la sallallahu al-afiyah. Mais le cheikh, il dit, mais même de se moquer, même de la sunna, c'est quelque chose qui fait devenir kafir. Si quelqu'un, par exemple, il se moque des choses surérogatoires, hein, des actes surérogatoires, où il se moque du jeûne surérogatoire, ou bien du hajj qu'on fait qui est surérogatoire, c'est-à-dire que si on fait un hajj après celui qui est obligatoire, la personne qui se moque de ces choses-là, il devient mécréant quand même, même si ce n'est pas des choses obligatoires. Le cheikh dit ensuite, سؤال حديث الرجل الذي أنكر قدرة الله. الجواب هذا عموم القدرة شيء دقيق أنكر أن الله يقدر عليه إذا حرق وطحن وذري في البحر في اليوم العاصف قد يخفى عليه هذه القدرة الدقيقة. Donc on lui pose la question au sujet du hadith de celui qui renie la puissance d'Allah. La réponse, le cheikh il dit que ça c'est celui qui renie le pouvoir ou la puissance dans des choses petites ou des choses détails. Donc il renie que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de, par exemple, avoir la capacité de faire cette chose-là. S'il est brûlé et mis en poussière, et qu'on jette ses poussières dans la mer, dans un jour où il y a beaucoup de vent, hein, ça se peut que cette chose-là échappe, cette puissance d'Allah qui est spécifique et subtile, détaillée, ça se peut que ça lui échappe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de faire ça et de faire plus encore, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toute chose. Et il n'y a rien qui est difficile pour lui. Ça c'est un exemple. Et après, le cheikh il dit, on lui a posé une autre question. Su'al ba'd al-furud al-kifayat. Hadha qad yakhfa. Donc, si quelqu'un renie certaines formes de sunan qui sont, le terme fard kifaya, c'est-à-dire des actes d'obligation qui sont pas obligatoires de façon générale, mais qui sont obligatoires, hein, ils sont obligatoires dans le sens qu'il faut qu'il y ait quand même un nombre suffisant de musulmans qui remplissent cette obligation-là. Et le cheikh il dit, dans ces catégories-là, c'est possible qu'il y ait des choses qui échappent à certaines personnes. Ensuite, on lui pose la question, يقول ابن أبي العز رحمه الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة الجواب ما لم يستحل فإذا استحلها كفر. Donc la parole de Ibn Abi al-Izz dans l'explication de l'aqida al-tahawiyya, lorsqu'il dit par exemple on ne déclare personne mécréant d'entre les gens de la qibla, le cheikh il dit la réponse à ça, tant qu'il ne rend pas quelque chose halal parmi les choses haram. S'il le rend halal, il devient mécréant. Okay, donc ça, c'est des questions qui ont rapport avec le sujet de est-ce que la personne est excusée pour son ignorance ou non. Et il faut comprendre, donc, dans ces choses-là, il y a des détails et des clarifications. Et il y a le charh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen qui rentre dans les détails et qui clarifie ces choses-là. Il donne beaucoup de détails là-dessus. Et il y a aussi le livre de Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi', il a écrit un livre dans lequel il répond à un individu parmi les gens de Bid'a, parmi les égarés, qui s'appelle Al-Maliki. Je pense, j'ai oublié son nom complet. Puis dans ce livre-là, il mentionne les questions qui ont rapport avec Al-Uthru Bil-Jahl, et il clarifie que même que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a expliqué sa aqida à la fin, il a répondu à cette question-là, il a clarifié. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et puis on continuera donc la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين